sentent et qu'ils en soient fiers. Pour qu'ils sachent d'où vient la guerre. Leur apprendre, leur faire connaître l'éducation que j'ai reçue. Mes frères doivent se battre sans en être déçus. Mes sœurs doivent avancer et découvrir le cœur de la rue. La victoire ou la défaite, c'est la règle du ghetto. Même si tu comprends pas ce que je dis, t'apprendras à travers la rue, frérot. Tellement de rêves enfermés, tellement de trêves empoisonnés. Je suis née dans ce monde fait de rêves et de décombres. Mais pourquoi vivre s'il faut en finir par une tombe? C'est la galère, la misère, la guerre. Et de une que j'ai les mains pour mes frères. C'est la rancœur, le malheur, l'ampleur, la peur. Et les pleurs, les deux que j'entends pour une mes soeurs. C'est la galère, la misère, la guerre. Et de une et de deux pour mes frères et mes sœurs. Oh oui, moi je veux décrire ce monde de frayeur. Et en cette lettre, je peux vous décrire cette horreur. Trace ton chemin si tu ne suis pas ton destin. Si tu marches plus aux côtés des tiens. Si tu ne comprends plus rien, eh bien avance et poursuis grâce au refrain. Sans les paroles, sans la souffrance des enfants, c'est de la maltraitance, de l'arrogance et de la violence. Faut pas dire que tout ça vient de la France. Seules les personnes honnêtes et franches te le diront. Seules tes vraies et ta famille t'aideront. 57, RTZ, Mélissa.